pourquoi tu as tout dit, pourquoi tu es parti, pourquoi tu as menti à tout le monde, disant que j'étais un mec immonde et que tu t'ennuyais dans ma vie. Pourquoi tu as tout pris, mes fringues, mes amis, pourquoi tu as parlé à tout le monde, pourquoi autour de moi tout s'effondre. Et ça, je ne l'ai pas compris. Je voulais plus parler de ça, mais ce soir, je sais pas pourquoi. Stéphanie Blues, Stéphanie Blues, Stéphanie Blues. Pourquoi tu as pas dit qu'il est plus joli, qu'il t'a promis 10 000 choses, redécouvrir l'odeur des roses, qu'il t'emmènerait en Italie. Pourquoi tu as pas dit que j'ai beaucoup vieilli, que tu voulais vivre autre chose, que dans ses yeux bleus la vie est rose. Et ça, moi, je l'aurais compris. Je voulais plus parler de ça, mais ce soir, je sais pas pourquoi. Stéphanie Blues, Stéphanie Blues, Stéphanie Blues. Stéphanie Blues, Stéphanie Blues, Stéphanie Blues.